Chapitre 2 de la 7e partie. Deux amants. De la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 2. Qu'on juge de l'étonnement d'Angèle en lisant cette singulière lettre. Les fleurs de sensibilité, hérissées par les ronces du doute, qui y épanchaient leur suave parfum, causèrent à la jeune fille un trouble inexprimable. Si elle ne comprit pas tout d'abord les terreurs qui frémissaient dans le sein d'Alphonse, si sa philosophie absinthée de tristesse s'égarait dans des régions trop aériennes pour empoisonner le cœur religieux et croyant de notre héroïne, les vagues aspirations qu'on voyait trembloter dans cette lettre, comme la goutte de rosée à l'extrémité d'une branche d'aubépine, les demi-aveux qu'on y dévoilait, devaient toucher et séduire une femme. Peut-être, en écrivant, l'exilé s'ignorait-il lui-même. Mais Angèle, avec la pénétration de son sexe, surprit le secret d'Alphonse. Sûre d'être sérieusement aimée, elle se demanda si elle aimait. Alors la rougeur monta à ses joues, son pouls battit violemment. Ce fut tout. La jeune fille laissa échapper le papier qu'elle tenait dans ses blanches mains, et son imagination se prit à vaguer à travers les bocages odorants de la rêverie. D'abord, de gracieuses images, papillons folâtres aux ailes d'or et d'émeraude, voltigèrent devant ses yeux à demi-clos. Elle se promena sur le bord d'un beau lac, ombragé par les rameaux des arbres touffus, mollement appuyé au bras d'un ange. L'onde murmurait à leurs pieds. Les vives libellules jouaient sur les touffes de nénuphar. L'abeille bourdonnante pompait le suc des plantes aromatiques. Et perdu dans le feuillage, un rossignol conviait la nature aux délices de ses harmonieux concerts. Qu'il faisait bon marcher ainsi, oublier la vie, pour s'enivrer au charme de cette amoureuse journée. Ils avançaient lentement, bien lentement, échangeant de rares paroles. Mais ces paroles étaient autant de perles précieuses, de mélodies ineffables. Et puis, elles étaient entrecoupées de ces longs silences qui sont les plus chers entretiens des âmes aimantes. Comme ils savouraient le bonheur d'exister l'un pour l'autre. Et le sentier fleuri, sur le bord du lac, se déroulait toujours charmant, et aucun nuage n'ouatait l'azur du ciel, et ils s'endormaient ainsi dans l'extase d'une mutuelle félicité. Fin du chapitre 2 de la 7e partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en mars 2011.